Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour et bonne année encore, même si c'est un peu avec du retard. Nous allons donc, pendant ce cours qui aura lieu depuis aujourd'hui jusqu'au 29 mars, poursuivre notre enquête sur le Dieu Yahvé, ses origines, ses différents cultes, ses transformations et son avancement vers le Dieu unique tel qu'il le confessent les religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cette année, nous avons une chance inouïe parce que ce cours peut se compléter par le cours du professeur Israël Finkelstein qui commencera également aujourd'hui à 17h. Venez en avance parce qu'il y a une salle qui n'est pas très grande, donc pour ceux qui s'y intéressent, qui justement nous parlera des origines de l'Israël du Nord, donc d'Israël en fait, le Royaume du Nord, et qui donnera donc des compléments archéologiques et historiques que je maîtrise beaucoup moins bien que le professeur Finkelstein. Donc si vous avez le temps et l'envie, je vous convie à cette leçon, à ces quatre leçons, donc les trois jeudis qui viennent et ensuite à mardi, vous avez toutes les informations, je pense. Voilà, alors donc aujourd'hui, nous allons donc poursuivre notre enquête sur l'histoire de Yahvé. Ici, c'est Michel-Ange qui l'a imaginé. C'est certainement pas comme ça que les anciens l'ont imaginé. Je vais vous montrer dans la suite quelques autres images. Mais tout d'abord, je pense c'est utile de vous rappeler où nous sommes dans notre parcours, c'est-à-dire un peu un résumé des résultats obtenus, résultats évidemment qui sont hypothétiques. Alors, je veux le faire en vous présentant cette thèse, cette affirmation, et je vais les développer dans la suite, et ensuite nous allons continuer là où nous sommes arrêtés l'année dernière. Donc, je vous présente d'abord les sept affirmations et ensuite je les commente brièvement. Première affirmation, Yahvé n'a pas toujours été le Dieu d'Israël. Deuxième affirmation, la signification du nom de Yahvé indique son caractère d'un Dieu de l'orage et de la guerre. Troisième affirmation, troisième thèse, les origines de la vénération de Yahvé se trouvent dans le sud, plus précisément à Édom, comme nous allons le voir. Quatrième thèse, Yahvé devient le dieu d'un groupe qui porte le nom d'Israël via un autre groupe qui se comprend d'abord comme Am Yahvé, comme peuple, comme groupe, comme parent de Yahvé. Cinquième thèse, lorsque Yahvé entre dans le temple de Jérusalem, il n'y est pas seul, il cohabite d'abord avec une divinité solaire. Et sixième, Yahvé devient le dieu tutélaire d'Israël sous Jéroboam, probablement. Et septième et dernier, c'est là où nous sommes arrêtés, sous les Omrides, donc sous la dynastie de Omri, dans le nord, Yahvé doit affronter un Baal phénicien qui provoque du coup une résistance yahviste. Et la question, est-ce que Yahvé est un Baal comme les autres ? Voilà, je vais rappeler brièvement ces sept points pour vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Donc, je ne dis plus rien sur la question de la prononciation. Je vous ai exposé les différentes hypothèses. Yahvé, probablement, c'était plutôt Yahou ou Yao. Je garde simplement la prononciation un peu habituelle, puisque nous sommes peu sûrs sur ces choses-là, et ce n'est pas un point principal, me semble-t-il. Par contre, il est important de rappeler le fait que Yahvé n'a pas toujours été le Dieu d'Israël. Et nous avons pour cela, en fait, trois indices. Premier indice, c'est le témoignage biblique même. Parce que le témoignage biblique, en deux textes différents, qui se trouvent tous les deux dans le livre de l'Exode, affirme très clairement qu'avant Moïse, Israël ne connaissait pas Yahvé. Moïse, dans le chapitre 3 de l'Exode, le buisson ardent, lorsqu'il est confronté à ce Dieu qu'il n'arrive pas à identifier, il lui dit, mais si je dois aller chez les Israélites et leur dire qu'il y a un Dieu qui va vous faire sortir d'Égypte, Mais quel Dieu vais-je annoncer? Et c'est là où il y a ce jeu de mots, Ehyé, Asher Ehyé, je serai, qui je serai. Et donc c'est un jeu de mots, évidemment, on y reviendra, avec le nom de Yahvé. Donc ça veut dire, en fait, apparemment, il y a une tradition qui situe les origines de la relation entre Israël et Yahvé sous Moïse. La même chose s'applique aussi à un deuxième texte dans le livre l'Exode, Exode 6, qui vient du milieu des prêtres, un texte sacerdotal, un texte paix, paix comme prêtre, où là, on a une autre idée, où Dieu dit encore à Moïse, « Je suis Yahvé, Ani Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom ou en tant que El Shaddai, mais sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas fait connaître d'eux. » Donc là, c'est très clair. En fait, les patriarches ont vénéré Yahvé, mais ils ne savaient pas que c'était Yahvé. Donc là aussi, l'idée, c'est que la révélation de Yahvé, en fait, a à faire avec Moïse et l'Exode. Les deux textes ne sont pas identiques, évidemment. Exode 3 situe cette révélation à la montagne de Dieu, donc en anticipant en fait la rencontre entre Yahvé et Israël au Sinaï, alors qu'au chapitre 6 de l'Exode, cette révélation se passe en Égypte. Mais les deux textes convergent dans cette idée qu'il y a un moment précis où Yahvé se révèle à Moïse, et auparavant, on ne savait pas très bien quelle divinité on vénère. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, c'est le nom d'Israël lui-même. Le nom d'Israël. Puisque le nom d'Israël, nous l'avons vu, c'est un nom théophore qui se compose donc d'une forme verbale et d'un élément divin. Mais cet élément divin n'est pas Yahvé, mais El. Israël aura pu s'appeler Israyahu, comme Jérémie s'appelle Yirmiyahu, ou Esaïe s'appelle Yeshayahu. Donc Israël et pas Israyahu. Alors Israël signifie, là la Bible donne une explication populaire avec l'histoire de la lutte de Jacob contre un être mystérieux qui va se révéler dans l'interprétation de Jacob comme étant Dieu. Et puis cet être donne en effet un nouveau nom à Jacob en disant « Maintenant, on ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu. » Donc ce sera la racine Sarah. Mais il y a probablement une meilleure racine à mettre en relation avec Israël, c'est la racine Sarar, avec deux R, régner, gouverneur, gouverner, être maître, s'imposer comme maître. Donc, signification que il s'impose comme maître, que il règne. Et ça, en effet, c'est sans doute l'étymologie première, parce que si Israël fait allusion à il, qui est donc la divinité principale des panthéons cananéens, on le connaît grâce à Ougarit notamment, il, c'est un peu le dieu chef, le dieu qui trône, qui règne, et tandis que l'interprétation que il combatte s'explique mieux si la divinité est une divinité du type dieu combattant, dieu guerrier, dieu de la fertilité. Alors nous savons, et ça c'est aussi un rappel, première mention d'Israël dans la stèle du pharaon Merneptah. Très intéressant, très important, je ne vais pas reprendre la discussion, simplement vous rappeler que Israël apparaît ici dans un contexte d'une campagne militaire et qu'il fait donc partie des groupes et des villes que le pharaon se vante d'avoir vaincus, annihilés. Israël est détruit, sa semence ou son blé n'existe plus. Alors, ce qui est important ici, c'est que le mot Israël tel qu'il est translittéré en égyptien est déterminé par des signes qui indiquent un groupe et non pas une localité ou un territoire fixe. Donc, c'est un groupe qui doit se trouver quelque part dans les montagnes d'Éphraïm. Et c'est justement dans cette région-là que Saül va plus tard fonder son premier petit royaume. Troisième élément, et là, c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, parce qu'il y a parfois des nouvelles découvertes, donc je vais vous donner quelques nouveautés. D'abord, en rappelant l'importance des inscriptions égyptiennes, inscriptions qui mentionnent notamment ces nomades chassou ou chaussou, hein, des nomades qui, en fait, se trouvent ou qui sont mentionnés plusieurs fois au XIVe, XIIIe siècle, d'abord dans une inscription d'Amenophis au Soudan, et où on a, vous vous souvenez, et c'est ça ce qui est évidemment le plus intriguant, où on a ces pays des chassous de Yahvé, ou Yahvé dans le pays des chassous. Probablement c'est Yahvé. Est-ce que Yahvé ici, grande question, est-ce que c'est une divinité, est-ce que c'est une montagne? Difficile à savoir, mais c'est probablement quand même bien le Yahou, Yahva, dont parle aussi la Bible. Et ces chassous, apparemment, sont, d'après les textes égyptiens, impliqués dans l'exploitation de cuivre dans la vallée de Timna et Lat aujourd'hui, et se trouvent se promène dans le territoire d'Édom et de l'Araba. Très important. Et alors, le complément, c'est que on vient de travailler sur un document égyptien, le papyrus Louvre E32847, peu nous importe. C'est un papyrus médical qui n'est pas encore édité entièrement, et qui mentionne en effet, dans des dangers qui existent dans les pays en dehors de l'Égypte, il mentionne un dieu étranger qui habite sur le mont Laban, dans une région appelée Wan, qui doit très probablement être Édom, puisque Wan veut dire la contrée du genévrier rouge, et cela ne pousse que dans le pays de Édom. Et alors, ces dieux étrangers qui habitent sur le mont Laban, ben, il est aussi lié au fameux chassou. Hein, parce qu'on trouve dans une inscription, à côté des chassou Yahvé, des chassou Laban. C'est un dieu, selon ce papyrus, dangereux, violent, que les Égyptiens ont identifié à Bébon ou Baba, qui est ce dieu en forme de singe ou de chien rouge, qui est en effet une manifestation de Seth. Et Seth, c'est justement le dieu qui ensuite est identifié à Baal ou à Yahvé. Alors, nous aurions peut-être dans ce... Ben, on attend l'édition de ce papyrus avec impatience, mais donc les premières informations qu'on peut jusqu'à maintenant recueillir semblent en effet renforcer cette idée d'un lien originel entre ces nomades chassou et un dieu violent que les Égyptiens ont identifié à Seth, qui est justement celui aussi qui... Et à la fin, un dieu ambigu parce qu'il protège la barque de Ré, mais en même temps, c'est aussi un dieu qui peut être très, très dangereux. Et ce qui est intéressant, alors, si on regarde la Bible, c'est quoi? C'est cette association entre Laban et Édom. Pensez à l'histoire de Jacob. Le frère de Jacob, c'est Ésaü Édom, et l'oncle de Jacob, c'est Laban. Alors, il faut faire attention, pas trop vite s'emporter, mais vous avez quand même là des choses qui sont peut-être un peu plus qu'un simple hasard, n'est-ce pas, ce lien que nous avons ici entre Laban, Édom et ce dieu inconnu, identifié à Seth, qui pourra bien être Yahvé. Voilà donc la nouveauté par rapport au dossier égyptien, mais qui, en effet, renforce ce lien primitif d'un Yahvé venant du sud, d'Édom. Je reviendrai dans un petit instant. Deuxième thèse, c'est la signification du nom qui indique que nous avons affaire à l'origine avec Yahvé d'un dieu de l'orage. La Bible, vous vous souvenez, on vient de le voir, dans l'histoire d'Exode 3, présuppose une étymologie avec la racine haya, être. Je serai qui je serai. Encore, on peut se poser la question si c'est vraiment une étymologie ou si c'est une sorte de refus d'étymologie. Comme l'ont dit souvent les commentateurs juifs, quand Yahvé dit « je suis qui je suis », ça veut dire « je suis qui je suis », ça ne te regarde pas. Donc on ne sait pas. Mais c'est certainement une réflexion, spéculation théologique. Alors que sur le plan de l'étymologie, il faut en effet partir, bien qu'on a essayé parfois d'utiliser cette racine haya, mais je pense que ce n'est pas très convaincant. Je pense qu'il faut plutôt partir d'une forme verbale à la troisième personne de la conjugaison inaccomplie, préformante, et les liens, ou disons les parallèles les plus proches, c'est un certain nombre de divinités arabes pré-islamiques qui sont encore citées dans le Coran, comme Yahoud, il aide, ou Yahouk, il protège. Et donc, nous aurons là une racine possible, Hawa, donc He, Du, Wav, Yod, qui peut avoir trois significations, désirer, tomber ou souffler. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'hébreu biblique, vous avez cette racine dans les attestations A et B, dans le sens de désirer et de tomber, et pas dans le sens de souffler. Et ça, c'est peut-être pas par hasard, parce que c'est peut-être un évitement voulu, puisque le nom de Yahvé pourrait justement signifier, comme l'avait déjà dit le grand philologue et exégète Wellhausen à la fin du 19e siècle, Yahvé signifie « Erfährt durch die Lüfte, erweht », c'est-à-dire « il traverse les airs, il souffle, il amène le vent ». Et c'est typiquement, en effet, un nom qui convient à un dieu de l'orage. Troisième, les origines de la vénération de Yahvé se trouvent au sud. On était déjà un tout petit peu tout à l'heure avec les fameux chassous. Maintenant, aussi trois indices. Quatre textes bibliques, que je ne vais pas vous détailler ici, du livre du Deutéronome, du livre des Juges, un psaume et un texte prophétique, qui, en fait, malgré toutes les différences qu'ils ont entre eux, coïncident dans l'idée que Yahvé vient du sud. Le texte le plus ancien, c'est probablement le texte du livre des Juges, où Yahvé est celui qui sort de Séir, qui vient du pays d'Édom. Alors Séir, c'est en effet un autre terme pour Édom. Donc Yahvé, là, vient de Séir, d'Édom. Et si vous prenez encore Habacuc 3, ben là, vous avez Théman, Paran, Paran, on a du mal de savoir exactement ce que c'est. Il n'est pas Sinaï, il est le mont Paran. En Deutéronome et Juges, on a l'impression que le Sinaï se trouve plus à Édom que là où on le cherche aujourd'hui. Dans le livre de Habacuc, c'est le mont Paran qu'on ne connaît pas. Par contre, Théman, on connaît très bien. Et on a aussi une inscription, d'ailleurs, de Kuntilet Ajrut qui nous parle d'un Yahvé de Théman. Alors Théman, de nouveau, c'est dans le sud et plus particulièrement dans le territoire d'Édom. Premier indice. Deuxième indice, c'est la tradition biblique sur Moïse et les Madianites. Là aussi, nous avons vu que l'histoire de Moïse est compliquée, qu'il est très très difficile de savoir exactement ce que c'était le Moïse historique. L'Exode en tant que tel n'est pas un événement historique, mais il y a quand même derrière ces traditions quelques souvenirs qui ne s'inventent pas. Et de toute manière, il faut bien vous le dire, les auteurs bibliques, ce ne sont pas des romanciers. D'ailleurs, c'est difficile même d'utiliser le terme « auteur » quand on parle de ceux qui ont mis les textes bibliques par écrit. Alors, on peut dire que c'est des auteurs parce qu'ils écrivent à un moment. Mais ce qu'ils écrivent, c'est de la littérature de tradition qui leur vient d'une tradition qui peuvent alors transformer. Donc, il ne faut pas non plus avoir cette idée d'une fidélité absolue à la tradition orale. Non, non, on peut faire ce qu'on veut. On le voit très bien aussi avec d'autres traditions. Mais néanmoins, il y a la tradition. Et une tradition entre Moïse et les Madianites, on ne voit pas très bien comment on aura pu l'inventer de toutes pièces. Hein ? D'autant plus que dans certains textes, les Madianites ne sont pas très bien vus par les auteurs bibliques. Et surtout, l'idée que Moïse soit marié à une femme madianite, ça n'aura pas non plus, disons, fait très théologiquement correct à une époque où, justement, des gens comme Esdras, Néhémie, comme des rédacteurs du livre du Deutéronome se prononcent contre les mariages mixtes, contre le mélange avec les autres peuples. Donc, je pense que nous avons là, en effet, un élément traditionnel et... Qu'est-ce qu'on peut dire sur les Madianites ? C'est aussi un groupe qui échappe un tout petit peu à l'historien. Nous avons vu, il y a quelques indications que nous pouvons utiliser. Apparemment, c'est de nouveau, ça confirme toujours, ça coïncide un peu. C'est comme une pièce de puzzle, vous avez là un autre élément, puisque ces Madianites aussi séjournent autour de Timna, sont peut-être aussi impliqués dans l'exploitation minière. On a peut-être là à Timna, un ancien sanctuaire égyptien récupéré par les Madianites. Donc tout cela, en effet, nous confirme de nouveau ce lien avec le Sud. Et il y a un texte biblique très intrigant. Un texte biblique très intrigant, c'est le texte du chapitre 18 du livre de l'Exode. Qu'est-ce qu'on apprend là ? C'est un texte que, déjà, les rabbins étaient très, très embêtés avec ce texte. Pourquoi ? C'est un texte qui ne va pas du tout avec son contexte. Parce qu'au chapitre 19, seulement Israël arrive au Sinaï. Et c'est là où Dieu se fait connaître à Israël. Au chapitre précédent, au 18, bah apparemment, on est déjà. Et Moïse et Israël savent déjà très bien ce qui est Yahvé, etc. Donc, en fait, il y a une sorte de doublon entre 18 et 19. C'est pour cela que certains rabbins voulaient déplacer 18 à beaucoup plus tard en disant « ne c'est pas là où maintenant il est ». Peu importe, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que c'est aussi un texte qui a été repris, qui a été retravaillé, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que dans ce texte, c'est Jéthro, le beau-père de Moïse, qui, en fait, offre un holocauste pour le Dieu d'Israël. Premier sacrifice offert par un prêtre madianite. Là aussi. Alors après, on dit non, il n'a pas vraiment offert le sacrifice. Après, des rédacteurs ont ajouté Aaron, etc. Mais on va très bien. L'initiative part du beau-père de Moïse. Et à partir de ce texte, on a en effet déjà au XIXe siècle élaboré ce qu'on appelle l'hypothèse madiano-kénite, parce qu'apparemment les madianites sont aussi liés aux kénites, que Moïse aurait connu le culte de Yahvé grâce aux madianites. Hein ? On va pas reprendre tout cela, mais en effet, ce texte, ce lien très étroit avec les madianites, confirme le fait que Yahvé vient de cette région. Et dernier élément dans ce dossier, c'est la question de la vénération de Yahvé dans le pays d'Édom. Alors, les Édomites, c'est donc les voisins des Judéens, et on a trouvé ici, à Horvat Kitmit, donc en Judée, un sanctuaire édomite, j'y reviendrai tout de suite. Ce qui est très intéressant d'abord, c'est que dans la Bible, contrairement aux voisins plus au nord, aux Moabites et aux Édomites, pardon, aux Ammonites, le dieu national des Édomites n'est jamais mentionné. On parle de Milcom et de Chemosh, qui sont les dieux des Ammonites et des Moabites, mais Kaous ou Kos, le dieu d'Édom, n'est jamais mentionné par les textes bibliques. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Est-ce qu'il faut en conclure que Yahvé était d'abord vénéré dans le pays d'Édom et qu'en fait, Kaous, Kos ne devient important au moment où Yahvé devient le dieu tutélaire d'Israël et de Juda ? Ça, c'est une possibilité. Ou autre possibilité, peut-être un peu plus spéculative, que Yahvé et Kos, en fait, c'est le même nom. Pardon, c'est deux différents noms pour la même divinité. Alors, si c'est le cas, vous aurez là probablement un portrait de Yahvé, parce que c'est donc cette tête qu'on a trouvée dans ce sanctuaire édomite. Mais peu nous importe le détail, mais de nouveau, voyez, ça pourrait expliquer pourquoi dans l'histoire de Jacob, qui raconte comment Jacob devient Israël, pourquoi Édom est si étroitement associé à Jacob. Parce que normalement, ce n'est pas très logique sur le plan géographique, parce qu'Israël est beaucoup plus au nord. Donc cette association, elle fait sens dans cette perspective. Alors, quatrième résultat que nous avons obtenu, c'est le fait que Yahvé est probablement, via ses chassous ou madianites, le dieu d'un groupe qui lui-même se comprend comme Am-Yahvé, Am-Yahou. Am signifie pas tout de suite peuple, c'est plutôt le parent, l'ancêtre divinisé, c'est lui qui protège, et ensuite le peuple, le clan, le peuple. Alors, donc, de nouveau, si vous prenez un texte comme Exode 24, vous pourriez voir éventuellement, là encore, les traces d'un rituel où un groupe de chassous se constitue via un médiateur comme le peuple de Yahvé, avec un rituel assez ancien, avec du sang, etc. C'est peut-être là aussi le souvenir de cette constitution. Et vous avez un autre texte qui est très intéressant, le texte du Deutéronome 33 dont je vous ai déjà parlé. Pourquoi c'est un texte intéressant ? Yahvé est venu du Sinaï, il se levait sur eux de Seir, il a resplendu de la montagne de Paran, vit, il aime son peuple, Am. Il devient roi en Yeshurun quand s'assemblaient les chefs du peuple, Am, ensemble avec les tribus d'Israël. Ça, c'est un texte très curieux, parce que le Am, si on traduit comme peuple, comme ça, ce n'est pas le peuple d'Israël. C'est le Am Yahvé qui, apparemment, ensuite s'allie avec des clans, avec des tribus qui portent le nom d'Israël. Vous voyez, donc là, vous avez encore, probablement aussi, encore un souvenir que c'est seulement à un moment donné que certains clans qui se sont regroupés sous le nom d'Israël, ont adopté ce dieu Yahvé qui était d'abord vénéré par un groupe qui s'appelait peut-être tout simplement le Am Yahvé. Et c'est justement sous Saül que Yahvé devient le dieu d'Israël, ou disons, d'un groupe, pas encore vraiment d'un royaume, hein, d'une chefferie, d'un petit groupe dans les montagnes d'Éphraïm. M. Finkelstein nous en parlera aussi. Et on constate en effet qu'un des fils de Saül porte un nom yahviste, Yehonatan, hein, Yahvé a donné. Un autre porte un nom baalique, Ish-Baal, homme de Baal. La question évidemment qu'on peut se poser, est-ce que le Baal dont il est question, est-ce que c'est Yahvé ou est-ce que c'est un autre dieu ? On va y revenir puisque Baal n'est pas à l'origine un nom propre, C'est un titre signifiant le maître, le patron, le chef. À ce moment-là, où se trouve Yahvé? Ben, Yahvé se trouve à différents endroits, mais apparemment, dans l'histoire des débuts de l'origine, Yahvé semble lié à une arche, à une sorte de boîte, Aaron, une caisse qui est appelée parfois Arche de Yahvé ou Arche d'Elohim, peut-être simplement l'arche divin, et qui a apparemment des pouvoirs magiques, comme on peut le lire en lisant l'histoire justement de la capture de l'arche par les Philistins. Vous pourrez lire ça dans le livre de Samuel, donc où en effet vous vous rendez compte qu'il s'agit là apparemment d'un sanctuaire portable qui, en fait, héberge la divinité d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce qu'il y avait une petite statue de Yahvé là-dedans? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait quelque chose dedans, parce que plus tard, on va théologiser l'histoire, on va dire, dans l'arche, il y a quoi? Il y a les tables de la loi. Et puis un texte va dire, mais il n'y a rien d'autre, hein, il n'y a rien d'autre dans cette arche, il n'y a que les tables de la loi. Et quand on a besoin d'affirmer ça d'une manière tellement avec tellement insistance, ça veut bien dire qu'il y avait autre chose avant. Et lorsque Yahvé entre dans le temple de Jérusalem, finalement, c'est sous David, d'abord à Jérusalem, et puis sous Salomon dans le temple, il n'y est pas seul. Alors nous avons vu que l'histoire, la construction du temple rappelle davantage la rénovation d'un sanctuaire déjà existant que la construction à partir de rien d'un temple. C'est probablement un ancien sanctuaire restauré pour faire peut-être place à Yahvé. Je vous rappelle, nous avons vu cette dédicace du temple où le texte grec est très très différent du texte hébreu. Et cela devient évidemment maintenant une évidence. Si vous voulez faire de la Bible hébraïque, il faut faire autant de grec que de l'hébreu. Parce que très souvent, le grec nous permet de retrouver un texte hébreu différent. C'est-à-dire les traducteurs grecs, on se rend compte de plus en plus, moins pour la Torah, mais pour les Nevi'im et les Ketuvim, que les traducteurs grecs se sont basés souvent sous des textes différents que les textes hébreux qui sont devenus les textes massorétiques. Et un cas magnifique, nous l'avons en 1 roi 8, où cette fameuse dédicace du temple se trouve d'abord à un tout autre endroit et qui a un tout autre texte qu'on peut reconstruire à partir du grec en hébreu, si on le retranspose en hébreu, « Shemesh hodiya bashamayim arma yave lishkon ba'arafel » Le soleil, ou Shamash, l'a fait connaître depuis le ciel. Yahvé a dit qu'il voulait habiter dans l'obscurité. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que le temple est en effet le temple d'une divinité solaire et on y introduit Yahvé dans une sorte peut-être de chapelle latérale, un autre endroit qui a en fait là une sorte de cohabitation entre un dieu de type dieu de l'orage et un dieu solaire. Et ce qui est très intéressant, apparemment, tout dépend comment on interprète ces iconographies dont on en a plusieurs exemples dans le Proche-Orient ancien. Vous avez en effet assez fréquemment ici un dieu du type dieu de l'orage qui brandit tonnerre et foudre et qui est en effet associé au disque solaire. Est-ce que ça veut dire qu'il agit sur l'ordre du dieu soleil ou est-ce qu'on suggère déjà une identification? C'est aussi quelque chose qui est possible. Je reviendrai dans un instant. Mais apparemment, Yahvé n'a pas toujours été seul au temple de Jérusalem. Jérusalem, d'ailleurs, même le nom de la ville, Yerushalayim, maintenant, Shalim, Shalimu, à Ougarit, c'est le dieu qui est lié au crépuscule, Shalimu. Alors, sixième résultat, que Yahvé apparemment devient le Dieu tutélaire d'Israël au moment de ce que la Bible présente comme le schisme, la séparation entre le nord et le sud. Il n'y a probablement pas eu de royaume uni sous David, mais il y a quand même apparemment eu un certain lien entre des tribus, puisque fait est qu'en Israël et en Juda, on a vénéré Yahvé comme un dieu tutélaire. Je vous rappelle aussi la difficulté que nous allons avoir dans la suite de notre enquête par rapport au texte biblique, c'est que le texte biblique est écrit dans une perspective du sud, judéenne, et que tout ce qui est dit sur le nord est dit d'une manière péjorative. Alors que l'historien, évidemment, ne doit pas se faire laisser impressionner par cela, n'est-ce pas ? Contrairement à ce qu'indiquent les rédacteurs bibliques, et c'est Israël, le nord, qui a été jusqu'à 722 le royaume dominant, Juda souvent étant une sorte de vassal ou dépendant de ce grand frère dans le nord. Où, en effet, on vénère Yahvé, mais on vénère Yahvé, et ça c'est très important aussi, on vénère Yahvé un peu partout. Il n'y a pas une unité à ce moment-là dans la vénération de Yahvé. C'est un peu comme certaines divinités assyriennes qui ont leurs cultes locaux, comme Ishtar, qui est un peu partout. Hein. Yahvé, ben, nous avons un Yahvé de Théman, hein, que nous connaissons par les inscriptions. Kuntilet Ajrut mentionne aussi un Yahvé de Samarie, alors que la Bible n'en parle pas. Après, nous avons un Yahvé de Bethel, un Yahvé de Kirbet Lei, donc qui est appelé le Yahvé Dieu de Jérusalem, un Yahvé à Hébron, et ainsi de suite. Donc apparemment, il y avait une diversité assez importante du culte de Yahvé, et que Yahvé était aussi vénéré en dehors d'Israël et de Juda, même chez les Moabites, je reviendrai dans un petit moment. Donc les dieux ne se conforment pas forcément aux frontières. Les dieux aiment voyager et aussi le culte de ces dieux. Mais ce que nous raconte la Bible, c'est que sous Jéroboam, Yahvé devient en quelque sorte le dieu d'Israël en lien avec l'Exode, puisque on nous raconte que Jéroboam fait installer ou fait fonder, en fait, deux sanctuaires, un à Bethel et l'autre à Dan, en mettant des figures, des statues bovines, en disant « Voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Israël ». Ce n'est pas, comme on le dit parfois, la vénération d'autres dieux. Il s'agit bien de la vénération de Yahvé, sous forme d'un taureau. Et pourquoi Bethel et Dan ? Parce que Bethel et Dan, c'est un peu les extrémités du royaume, alors avec le problème que Dan, si on croit les derniers travaux justement de l'école de Tel Aviv, Dan ne devient israélite à partir du 8e siècle. Et là, donc, du coup, ça pourrait être un rétroprojectant de Jéroboam II, puisqu'il y a deux Jéroboam dans la Bible, et que l'histoire de Dan est peut-être un peu mal placée ici, mais peu nous importe. Nous avons donc là, clairement, l'indication que Yahvé dans le Nord, apparemment, est associé à un taureau. Alors, soit il est représenté comme un taureau, il y a d'ailleurs un texte dans la Bible où il est dit « Dieu a des cornes », ou il est imaginé trônant sur un taureau qui servira encore un peu de piédestal. Vous avez les deux possibilités qui ne s'excluent pas forcément. Ce qui est très intéressant, c'est ce sceau ici d'Ebla, où vous avez le dieu de l'orage, qui est donc vénéré par un fidèle, et entre les deux, il y a un taureau, statue bovine, qui apparemment symbolise dans le sanctuaire la présence de ce dieu de l'orage. C'est peut-être, c'est peut-être ainsi qu'il faut imaginer donc, la vénération de Yahvé dans le Nord. Et ce qui est intéressant aussi, je reviendrai, que le prophète Osée, parle souvent des veaux de Samarie. Donc ça veut dire qu'il y a certainement un taureau à Samarie représentant Yahvé. Donc plusieurs sanctuaires, nous l'avons vu, Bethel était peut-être le sanctuaire le plus important, pensez au livre d'Amos et d'autres, mais il est tout à fait clair qu'à Samarie, qui devient la capitale sous les Omrides, j'y viendrai dans un moment, il y avait certainement aussi un temple de Yahvé, comme d'ailleurs c'est attesté par Osée, par une inscription du roi Sargon et par Kuntilet Ajout. Et encore un mot, et puis après on va continuer le cours, un mot encore sur la stèle de Mécha, qui se trouve toujours au Louvre pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, où il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans cette stèle. Mais ce qui souvent est un tout petit peu négligé, c'est cette remarque que fait Mécha quand il se vante donc d'avoir chassé la dynastie d'Omri de Moab. Qu'est-ce qu'il dit? Il a pris la ville de Nebo et champorté de là les vases, les ustensiles, le keli. Le keli, ça peut être tout n'importe quoi. Ça pourrait même être une statue, d'une certaine manière. Donc, j'ai déporté de là les vases de Yahvé et je les ai traînés devant la face de Kamosh. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est tout simple, mais quand on fait un peu une sorte d'inventaire des sanctuaires yahvistes, on ne parle jamais de ce texte-là. Donc, ça veut dire qu'il y avait un sanctuaire de Yahvé à Nebo, dans cette ville que le roi Mécha a récupéré, a repris aux Israélites. Donc, ça veut dire que vous avez en effet une grande variété de sanctuaires yahvistes au début du premier millénaire dans le nord, en Cisjordanie, mais aussi en Transjordanie. Les frontières, évidemment, sont toujours fluctuantes. La région qui est convoitée par le roi Mécha dans la stèle, dont il parle dans la stèle, c'est un peu un territoire comme l'Alsace et la Lorraine, c'est-à-dire c'est toujours, une fois ça devient israélite, une fois ça devient moabite, donc ça change constamment. Mais apparemment, quand même, il y avait là aussi vénération du dieu Yahvé. Et maintenant, venons à la suite. Nous sommes arrêtés avec l'époque des Omrides. Omri est considéré par la Bible. La Bible en parle très, très peu. C'est ça aussi le problème. Des rois qui ont régné longtemps, qui ont fait des choses apparemment très importantes, sont mentionnés parfois en passant. Comme Manassé qui a régné plus que 50 ans. Il n'a même pas droit à une demi-page. Omri, qui est apprécié par les Assyriens, qui appelle Israël très fréquemment la Bitroumri, la maison d'Omri, la Bible en parle très peu, elle n'aime pas beaucoup, mais il se peut très bien que la plupart des grandes constructions que traditionnellement l'archéologie a attribuées à Salomon, qu'en fait ces constructions viennent de l'époque de Omri, mais ça vous aurez plus d'informations par Israël Finkelstein. Donc Omri, en effet, est à l'origine d'un État moderne. C'est peut-être vraiment là que Israël prend de l'essor. Omri fonde Samarie, transforme Samarie en capitale et noue des contacts très étroits avec la Phénicie. Son fils Akab est marié à la femme Jézabel qui a tellement inspiré et les artistes, les poètes et d'autres. Et après, il y a un autre, Athalie, qui est une princesse phénicienne dont on ne sait pas très bien est-ce que son père est Baal. Déjà, le nom est intéressant. Est-ce qu'il est roi de Sidon, comme le dit la Bible, ou est-ce qu'il est roi de Tyr, comme disent d'autres documents? Peu nous importe. Ce qui est important, en fait, c'est ce lien avec la Phénicie. Et ce qui est intéressant déjà, que le père de Jézabel s'appelle Et-Baal. Donc, il y a un nom, Baal. Et donc, du coup, il est fort possible que les Omrides importent un Baal phénicien en Israël pour s'ouvrir, pour nouer des contacts diplomatiques, il est tout à fait possible que les Omrides voulaient en fait imposer, au moins comme dieu de la dynastie, un Baal de Phénicie. Et ça, ça va mener vers le conflit avec Yahvé. Pourquoi ? Parce que Yahvé, c'est aussi un Baal. C'est ça le problème. Yahvé est un Baal comme les Baals de Phénicie. Alors, qui est ce Baal phénicien importé par les Omrides ? Là, on peut discuter parce que la Bible ne mentionne jamais son nom. Elle parle toujours de Baal comme si c'est un nom propre. Alors, est-ce que c'est parce qu'on veut qu'on lise cette histoire de manière un peu comme une histoire exemplaire, que Baal est déjà devenu un peu le symbole pour tous les dieux de l'étranger qu'il faut rejeter? Ça, c'est une possibilité. Mais quand on regarde bien, et nous allons le faire, le texte, on verra que le Baal des Omrides a un peu les mêmes fonctions que le Baal Yahvé. Alors, dans un traité du roi assyrien Esarhaddon avec le roi qui s'appelle justement Baal de Tyr, on a plusieurs divinités des Phéniciens. Baal Shamem, je reviendrai, Baal Malagé, Baal Saphon, qu'on connaît aussi à Ougarit, Milkart et Ishmun. Alors Milkart est peut-être un candidat intéressant puisque Milkart est appelé le maître de Tyr. Et si, en effet, Jézabel vient de Tyr, vous aurez, en effet, la possibilité qu'elle amène, en fait, en ses bagages aussi, Milkart. D'ailleurs, si on regarde ce sanctuaire de Milkart à Amrit, au Liban, on voit très bien, pour ceux qui ont un peu l'habitude de l'iconographie du dieu de l'orage, si vous regardez dans Louvre les représentations du Baal d'Ougarit, c'est très, très proche, en fait. Même si ici nous sommes à l'époque perse, donc il est vraiment représenté sous les traits d'un dieu de l'orage en trônant sous un animal qui est plus un lion, me semble-t-il, qu'un taureau, mais peu nous importe. Et il est donc possible que nous avons affaire à Milkart. Alors il faut rappeler, c'est vrai, que certains spécialistes contestent cette identification en rappelant que dans la Bible, le nom de Milkart n'est pas mentionné. Mais, comme je vous ai dit, il n'y a aucun nom qui est mentionné. Il n'y a que Baal, dont il faut se poser la question à qui pensent les auteurs. Et dans une inscription d'un autre roi phénicien, Eshmunazar, il est question, justement, des dieux des Sidoniens, dans le pays de Sidon de la mer, un temple pour le Baal de Sidon, un temple pour Astarté, nom de Baal. Ce qui est intéressant ici, c'est l'association entre Baal et Astarté, qui est ici en effet appelé le nom de Baal. Et dans la Bible aussi, vous avez quelques textes qui font ce lien entre Baal et Astarté, qui sont donc mentionnés dans cette inscription de Eshmun. Alors, prenons comme hypothèse la plus plausible que ce Baal est Milkart. Mais nous allons voir si ce n'est pas le cas, ce n'est pas non plus, ça ne change pas dramatiquement les choses, mais nous devons maintenant nous interroger sur le texte biblique qui met en scène ce conflit. Et cela intervient le dénommé Élie. Élie qui est présenté par la Bible comme étant le champion de la lutte contre Baal. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Élie, donc ici, une statue que vous pouvez admirer si vous allez au Carmel. C'est évidemment une statue récente. L'histoire d'Élie est en fait intégrée, c'est peut-être un peu petit, mais peu nous importe, cette histoire. Vous allez, en fait, je vais vous donner un conseil. Vous allez lire la Bible, simplement. Vous prenez la Bible et vous lisez 1 roi 16 à 2 roi 2. Et puis vous avez tout cela. En fait, je vais brièvement le commenter, je vous le détaille. Ce que je voulais vous montrer, et puis vous aurez aussi la feuille sur le site, vous pouvez l'étudier un peu plus, de manière plus proche, que le cycle d'Eli est intégré entre les règnes de deux rois de la dynastie d'Omri, Akab, grosso modo 875 à 53, et Akazias, qui n'a régné qu'une année en 853 à 52. Et en effet, cette histoire, elle interrompt l'histoire chronique des rois, et c'est pour cela qu'on pense souvent qu'à l'origine, c'était une histoire qui ne faisait pas vraiment partie du livre des rois, qu'on l'a intégrée après coup, et que probablement c'est une histoire assez complexe. On va s'intéresser surtout au premier chapitre où il est question justement de Élie qui se rend dans le territoire phénicien, qui va combattre Baal et qui va en effet ensuite lui-même faire l'expérience différemment qu'il avait pensé du Dieu d'Israël. Ensuite viennent d'autres histoires qui sont intéressantes aussi, notamment l'histoire de la vigne de Naboth que vous connaissez peut-être, où en effet on voit les changements économiques de l'époque des Omrides, où le roi devient de plus en plus un personnage puissant qui peut exproprier les gens et qui en effet n'hésite pas à recourir, ou surtout sa femme, parce que, évidemment, pour les rédacteurs bibliques, la grande responsable de tout, c'est Jézabel, mais peu nous importe ici. Mais c'est en effet un texte qui correspond peut-être un peu à ces changements politico-économiques. Et finalement, l'histoire se termine par le fait que Élisée devient le successeur d'Élie, et que Élie, ça pour la petite histoire, c'est quand même intéressant, Élie ne meurt pas, mais monte au ciel. Monte au ciel, et c'est pour cela, après, Élie devient, dans le judaïsme, un personnage tout à fait important, dont on attend le retour, justement, comme il est dit à la fin du livre des prophètes, qu'il faut d'abord que Élie revienne avant qu'arrivent les fins du temps. Puis, dans le Nouveau Testament, vous avez tout un débat de savoir est-ce qu'Élie est déjà revenu ? Alors Jésus était convaincu qu'Élie était revenu puisqu'il voyait en Jean-Baptiste Élie. Et d'autres apparemment voyaient Jésus lui-même comme étant le Élie revenu. Mais on s'écarte un peu du sujet. Nous revenons donc vers Élie. Alors le nom est déjà programmatique puisque Élie signifie « mon Dieu, c'est Yahvé ». C'est presque trop beau pour être historique, puisque ça va être lui qui est le champion de la résistance yaviste contre le Baal des Omrides. Et la première phrase que Élie va prononcer, c'est justement une sorte d'élaboration théologique à partir de ce nom, parce qu'il va se présenter ainsi par la vie de Yahvé, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Et est-ce qu'il va annoncer qu'il y aura ces années ni rosée ni pluie selon ma parole ? Il ne dit pas selon la parole de Yahvé, il dit selon ma parole. Les deux premiers chapitres sont encadrés par ce thème de la sécheresse qui vient suite à une parole d'Élie et qui s'y termine après ce combat contre Baal sur le mont Carmel. Alors, qui est Élie ? Est-ce que c'est un prophète ? Il est plus qu'un prophète. D'ailleurs, dans le texte hébreu, on n'hésite pas à l'appeler prophète. Au premier verset, on ne l'appelle pas prophète, contrairement aux Grecs. Et le roi Akab l'appelle sorcier. Sorcier d'Israël. Donc quelqu'un qui a apparemment des pouvoirs magiques. Il est également appelé le Tishbit. Alors on a essayé de chercher un nom d'un lieu, Tishbé, où en fait Élie aurait vécu. Mais on peut là se poser la question si c'est vraiment un nom d'un lieu ou si ce n'est pas un jeu de mots avec un autre mot qui est très connu, Toshev. Toshev en hébreu signifie celui qui est un marginal, qui ne possède pas de terrain, qui ne possède pas de sol. C'est entre le guerre et le citoyen libre, le Toshev. Alors, il est peut-être simplement ça. Il vient, et ça, c'est intéressant, il vient de Galaad. Donc, on dit Tishbé de Galaad. Donc, souvent, on l'identifie ici à un village, mais ce n'est pas très clair, parce que le seul texte biblique qui parle de Tishbé, c'est justement le texte sur Élie. Nous n'avons pas d'autres mentions de cet endroit. Donc, il faut être prudent. Il vient de Galaad, ça, c'est intéressant, parce que Yéhou, qui va ensuite faire le grand putsch contre la maison d'Omri, vient aussi de Galaad. Et ce qui est mis en scène ici, c'est très clair, c'est en effet c'est une opposition entre la campagne, entre la périphérie et la capitale, entre une campagne yaviste, transjordanienne, et la capitale, Samarie. Ça, c'est important. Et là, je pense, se trouve aussi peut-être le noyau historique de ces traditions autour de Élie. Nous l'avons vu l'année dernière qu'il faut évidemment, au niveau de la religiosité, distinguer plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la cour officielle, mais qui ne correspond pas forcément à ce qui se passe dans les campagnes. Et ça veut dire que si les Omrides installent un Baal phénicien, ça ne veut pas dire que c'est adopté, accepté dans les campagnes. Les choses se passent apparemment ainsi dans l'histoire d'Élie. Alors prenons juste les trois premiers chapitres, 17, 18, 19. Alors 17, c'est très intéressant, puisqu'on va nous raconter que Élie est appelé à se rendre dans le pays des Sidoniens. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Si vous connaissez vos classiques, il donne d'abord miraculeusement de la nourriture, de l'huile, de la farine, à une veuve de Sarepta. Normalement, dans une inscription, justement, dans un traité là, de Esarhaddon, Milcart est justement le dieu qui pourvoit de la nourriture. Et ici, c'est Élie qui, au nom de Yahvé, donne la nourriture dans le pays de Sidon. Idem, via Élie, qui fonctionne dans le deuxième épisode de ce chapitre comme un thaumaturge, puisqu'il ressuscite le fils de la veuve, ça veut dire que c'est Yahvé qui a le pouvoir de vaincre la mort. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que, évidemment, nous avons très peu de textes mythologiques qui nous proviennent directement de la Phénicie. Tout ce que nous savons de la Phénicie, on le sait souvent par des auteurs bien plus récents, par quelques inscriptions, mais qui sont un peu répétitifs. La source la plus intéressante à ce niveau-là, c'est les textes d'Ougarit. Baal à Ougarit, c'est justement lui qui va combattre Moth, la mort, n'est-ce pas ? Et ici, dans ce texte-là, c'est donc Yahvé qui, en effet, via son prophète, fait revenir le fils mort à la vie. Donc ça veut dire que le chapitre 17 affirme que Yahvé est aussi Dieu en Phénicie. Il n'y a pas besoin d'importer un Dieu phénicien, parce que ces dieux phéniciens n'ont pas du tout le même pouvoir que Yahvé. Donc si vous voulez, c'est une sorte de prologue à ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, justement, c'est ce grand combat entre Élie et les prophètes de Baal. Alors, ce combat est précédé par un épisode assez intéressant où il est question d'un dénommé Obadiahou. Donc les noms sont très très bien choisis dans cette histoire, parce que Obadiahou veut dire en effet serviteur de Yahvé. Il est en fait serviteur du roi Akab, mais il est partisan de Yahvé, parce que c'est lui, nous apprend le récit, qui a caché des prophètes yavistes. Donc tout d'un coup, on se dit, mais Élie, il n'est pas tout seul alors. Il y a apparemment aussi des supporters de Yahvé à la cour de Samarie, cachés par Obadiah. Et donc, après cet épisode, grâce à Obadiahou, il y a une sorte de rencontre entre Akab et Élie. On se demande donc qui est en effet responsable de la sécheresse. Akab, comme nous l'avons déjà vu, traite Élie de sorcier. Et Élie lui dit « Ce n'est pas moi le sorcier d'Israël, c'est toi et la maison de ton père, donc Omri, puisque vous avez abandonné les commandements de Yahvé et que tu as suivi les Baals. » Alors là, pour ceux qui ont l'esprit encore un peu réveillé, qu'est-ce que c'est ? Il y a un problème là, parce qu'on parle des Baals au pluriel. Donc là, vous voyez, on a déjà un peu retravaillé le texte, parce que dans la suite, il n'y a pas des Baals, il y a un Baal qui est, en effet, le grand adversaire. Donc vous voyez que, et nous allons le voir en détail encore la semaine prochaine, c'est évidemment des textes qui ont été relus constamment. Et cet affrontement, en effet, sert de prélude à cette compétition entre Baal et Yahvé sur le mont Carmel. Alors, très brièvement encore, ce combat, comment faut-il l'imaginer ? Parfois, on a dit qu'il y a un lien avec un rituel qui serait le rituel du réveil du dieu Milcar. Mais c'est un rituel qui n'est pas très clair, qui est attesté par Ménandre via Joseph, où, en effet, Milcar, il meurt, il faut le ressusciter par le feu, par toutes sortes de rituels. Mais je ne pense pas que ce soit ici, quand, justement, la question de qui commande le feu, etc. Je pense, ici, l'important, c'est de dire c'est que Yahvé commande, en effet, aux deux éléments associés à Baal, le feu et l'eau. D'ailleurs, vous voyez aussi que, ça, on reprend la semaine prochaine, on a vu qu'il y a la sécheresse. Mais tout d'un coup, Élie a suffisamment de l'eau déjà pour jeter sur l'autel, pour rendre l'inflammation de l'autel encore plus difficile. Donc apparemment, ce n'est pas tout à fait le même contexte non plus. Évidemment, le texte fait part d'une théologie triomphaliste. Les rituels des prêtres de Baal qui essayent en effet de se faire des incisions, etc., rappellent là aussi les gestes que la déesse Anat à Ougarit fait dans le texte Ougarit Baal la mort quand elle apprend que Baal est mort. Et la compétition, évidemment, vous savez qui va vaincre, c'est Yahvé qui va se manifester par le feu, qui va inflammer l'autel alors que Baal était incapable de le faire. Cela se termine par le massacre des prophètes de Baal, conformément à ce que dit un texte de l'Exode, ce qu'on appelle le Code d'Alliance, qui sacrifie aux dieux, aux autres dieux, sera voué au Kherem, à l'interdit, sauf si c'est Yahvé à lui seul. Et la même chose en Deutéronome 13, donc l'idée qu'il faut en effet donc tuer les faux prophètes. Mais l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie, elle sera même détournée d'une manière assez curieuse au chapitre suivant. Et nous allons voir ça la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà le lire, ce chapitre suivant, parce qu'il se trouve dans vos Bibles, au chapitre 19. Et ensuite, nous allons voir un peu comment faut-il comprendre, en fait, ces trois chapitres, à la fois sur le plan historique, mais aussi sur le plan, après, de l'intention théologique des rédacteurs. Et qu'est-ce que nous apprenons là sur la carrière de Yahvé, qui, à la suite de cela, devient, via Yéhou, une sorte vraiment de dieu qui va aussi changer d'identité, puisqu'il ne restera plus un Baal comme tous les autres. Il va se transformer un petit peu. Donc on verra ça la semaine prochaine. Je vous rappelle à 17h la conférence d'Israël Finkelstein et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.